Quelques minutes après, six hommes, en uniforme brun à collet jaune et commandés par un adjudant, étaient devant la porte de Matteo. Cet adjudant était quelque peu parent de Falcone. On sait qu'en Corse, on suit les degrés de parenté beaucoup plus loin qu'ailleurs. Il se nommait Teodoro Gamba. C'était un homme actif, fort redouté des bandits, dont il avait déjà traqué plusieurs. « Bonjour, petit cousin, » dit-il à Fortunato en l'abordant. « Comme te voilà grandi. As-tu vu passer un homme tout à l'heure ?»« Oh, je ne suis pas encore si grand que vous, mon cousin, » répondit l'enfant d'un air niais. « Cela viendra. Mais, n'as-tu pas vu passer un homme, dis-moi ?»« Si j'ai vu passer un homme ?»« Oui, un homme avec un bonnet pointu en velours noir et une veste brodée de rouge et de jaune. » Un homme avec un bonnet pointu et une veste brodée de rouge et de jaune. Oui, réponds vite, et ne répète pas mes questions. Ce matin, monsieur le curé passait devant notre porte, sur son cheval Piero. Il m'a demandé comment papa se portait, et je lui ai répondu. Ah, petit drôle, tu fais le malin. Dis-moi vite, par où est passé Gianetto, car c'est lui que nous cherchons. Et j'en suis certain, il a pris ce sentier. Qui sait? Qui sait? C'est moi qui sais que tu l'as vu. Est-ce qu'on voit les passants quand on dort? Tu ne dormais pas, vaurien. Les coups de fusil t'ont réveillé. Vous croyez donc, mon cousin, que vos fusils font tant de bruit? L'escopette de mon père en fait bien davantage. Que le diable te confonde, maudit garnement. Je suis bien sûr que tu as vu le Gianetto. Peut-être même l'as-tu caché. Allons, camarade, entrez dans cette maison et voyez si notre homme n'y est pas. Il n'avait plus que d'une patte. Il a trop de bon sens, le coquin, pour avoir cherché à gagner le maquis en clopinant. D'ailleurs, les traces de sang s'arrêtent ici. « Et que dira papa ?» demanda Fortunato en ricanant. « Que dira-t-il s'il sait qu'on est entré dans sa maison pendant qu'il était sorti ?»« Vaurien, » dit l'adjudant Gamba en le prenant par l'oreille. « Sais-tu qu'il ne tient qu'à moi de te faire changer de note ?»« Peut-être qu'en te donnant une vingtaine de coups de plat de sabre, tu parleras, enfin. » Et Fortunato ricanait toujours. « Mon père est Matteo Falcone, » dit-il avec emphase. « Sais-tu bien, petit drôle, que je puis t'emmener à Corte ou à Bastia? Je te ferai coucher dans un cachot, sur la paille, les fers aux pieds, et je te ferai guillotiner, si tu me dis « Où est Gianetto San Piero ?» L'enfant éclata de rire à cette ridicule menace. Il répéta « Mon père est Matteo Falcone !» Adjudant, dit tout bas un des voltigeurs, « Ne nous brouillons pas avec Matteo !» Gamme apparaissait évidemment embarrassé. Il causait à voix basse avec ses soldats, qui avaient déjà visité toute la maison. Ce n'était pas une opération fort longue, car la cabane d'un Corse ne consiste qu'en une seule pièce carrée. L'ameublement se compose d'une table qui sert de lit, de bancs, de coffres et d'ustensiles de chasse ou de ménage. Cependant, le petit Fortunato caressait sa chatte et semblait jouir malignement de la confusion des voltigeurs et de son cousin.